acting like teacher, bitch. I better want teacher, bitch. Get money picture, flash. My bad bitch, bitch. She don't like teacher, bitch. I better want teacher, bitch. Get money picture, flash. My bad bitch. Je regarde les hommes, se faire du sale, se faire du sale, se baratiner, ça me fait de la peine, je le montre pas, j'en ai la poix, traîner gratiné, tous à la recherche, d'un petit coin, de paradis, ouais, beaucoup de gens, remplis de seum, veulent à tout prix, te parasiter. La jalousie, sans aucun doute, une maladie, ouais. J'ai toujours pas trouvé le remède pour l'éradiquer. Beaucoup d'adultes sont des enfants, très mal éduqués. Les suicidaires feraient mieux de s'éloigner du quai. J'peux pas me briser le cœur, j'en ai plus, ça fait longtemps. C'est que du business, on n'a pas besoin d'être potes, fais voir les montants. J'leur fais peur comme d'habitude, ils font semblant de pas m'entendre. Maman, pardon si dans mon album y'a pas que des mots tendres. Et j'ai pas vraiment le choix, faut que les choque. Pas vraiment le choix, faut que les shoot. Tant que j'ai pas fini le job, j'reste à mon poste comme un chou. Dans mon oreille, ils chuchotent. En vérité, c'est toi le plus chaud. Alors qu'ils ont des goûts de chiottes, alors qu'ils ont même pas vu le show. Ouais, j'ai rêvé d'être un monument, sans passer par les armes et leur maniement. Dieu merci, j'ai pris de la money, man. Quand t'entends ça, tu veux mon humain. Quand t'entends ça, t'es de bonne humeur. Tu vois, c'est pour ça, j'aime pas l'humain. Cerveau ne tourne pas normalement, tant qu'il n'a pas d'argent dans les mains. Chaque année, y'a 10 nouvelles stars, des équipes entières qui brainstorm. Pourquoi je serais en compète avec eux? Chacun son tour, moi je l'ai déjà vécu. J'ai jamais vraiment trippé sur la fame, j'aime pas trop qu'on vienne me laver le cul. Ce qui me fait tripper, c'est d'être sur la scène et chanter chaque chanson comme si j'en avais qu'une. Je regarde les hommes, se faire du sale, se faire du sale, se baratiner, ça me fait de la peine, je le montre pas, j'en ai la poix, traîner gratiné, tous à la recherche, d'un petit coin, de paradis, ouais, beaucoup de gens, remplis de seum, veulent à tout prix, te parasiter. La jalousie, sans aucun doute, une maladie, ouais. J'ai toujours pas trouvé le remède pour l'éradiquer. Beaucoup d'adultes sont des enfants, très mal éduqués. Les suicidaires feraient mieux de s'éloigner du quai. Je suis à la recherche d'un dernier point, d'un dernier foin pour le paradis. Bientôt 10 ans que j'ai plus de vie, tous ces millions, c'est pas de la magie noire. Je suis enfin michetonnable. Tout a changé, j'ai tout arrangé. On me draguait pas Manon ou Marcel, même dans la street comme Tonton Marcel. Je reste dans mon coin, je veux pas mélanger. Je suis dans mon pain, faisant mon pain. Je peux bégayer la boulangère. Je levais la main, on me donnait rien. On me rassurait en courant d'air. Maintenant je veux plus m'arrêter, qu'a vu apprêter devant la rétine. Pour ça que je rétis et re-re-rétis. Gucci à 2K que je revêtis. Petit quand j'arrive et toi plus petit. Je suis sans pitié comme la célébrité. Je me fais sucer, c'est la base du métier. Va te faire enculer, c'est la balle amitié. Donne-moi ma dose ou la balle va riper. L'album va liquer, touche à mon buzz et fais-moi paniquer. Je vais m'appliquer, sûrement disséquer, voir d'où vient le mal. De valet, de fa, combattre le blood, ya touche pas la bicoque, y'a pas d'antidote, non. Je regarde les hommes, se faire du sale, se faire du sale, se baratiner, ça me fait de la peine, je le montre pas, j'en ai la poix, traîner gratiné, tous à la recherche, d'un petit coin, de paradis, ouais, beaucoup de gens, remplis de seum, veulent à tout prix, te parasiter. La jalousie, sans aucun doute, une maladie, ouais. J'ai toujours pas trouvé le remède pour l'éradiquer. Beaucoup d'adultes sont des enfants, très mal éduqués. Les suicidaires feraient mieux de s'éloigner du quai. C'est peut-être dingue, mais je veux être partout en montrant le moins possible. Qu'est-ce que je foutrais seul au sommet? Je veux que la famille grimpe aussi. Boy, la musique, c'est des cycles. Ce qui te fait survivre, c'est les singles. J'ai décidé de streamer sans enfiler de string. Victoria's Secret, c'est peut-être dingue, mais je veux être partout en montrant le moins possible. Qu'est-ce que je foutrais seul au sommet? Je veux que la famille grimpe aussi. Y'a du deux, c'est le foutoir. Chaque année, faut s'imposer. Si je fais pas trop d'interviews, c'est que je préfère laisser le son causer.